Imaginez-vous que pendant des années, vous avez donné le meilleur de vous-même et qu'on vous dise « Ah, merveilleux, vous vous êtes développé et rendu où vous en êtes, vous pouvez faire mieux maintenant. » On a alors l'impression d'être dans une grande école qui ne finit jamais. Qu'on vous dise que vous avez passé votre cégep, votre secondaire, que vous êtes rendu au doctorat, on dirait que la vie nous réserve toujours quelque chose pour apprendre. Et c'est là que je dis aux gens, ben, vous passez le test, vous passez des tests. Les tests, c'est comme des examens quand on va dans différents niveaux. Même au doctorat, sa thèse de doctorat, ça devient toujours un test, une façon d'être évalué par l'environnement sur ce que l'on est. Le sujet de l'année, c'est le maximum avec ce qui reste. On pourrait dire que pour un étudiant, c'est de sortir de tout le processus universitaire, le processus de vie qui nous force à apprendre, et de dire maintenant, la grande école, c'est la vie. Évidemment, on se dit, wow, minute là, moi je viens de finir des études, et puis tu me dis encore qu'il faut que j'apprenne, que je sois en éternel apprentissage. Eh oui, c'est ce que je dis effectivement. C'est ce que je dis pour vous faire comprendre une chose, c'est que là où on pense qu'on a fini, on commence d'autres choses. Là où on pense qu'à travers cette vie à donner tout ce qu'on donne, on peut atteindre une finalité. Oui, c'est vrai d'un point de vue de l'âme, je suis d'accord. C'est vrai qu'au niveau de l'âme, on peut atteindre un certain niveau de finalité. Je suis d'accord. Mais qui nous dit que l'âme, c'est la finalité? Comme pour bien des gens, exemple, le couple, atteindre un certain niveau d'harmonie en couple, pour bien du monde, c'est une sorte de finalité. Avoir franchi l'Everest, avoir franchi différents types d'épreuves au cours de sa vie, ça peut apparaître comme une finalité. Mais c'est une finalité au niveau de l'âme. C'est une finalité qui permet... Pour les gens, exemple, on va prendre juste le couple, qui donne l'impression que enfin on connaît les trucs qui créent l'harmonie. Mais qu'est-ce qui se passe si, pour une raison quelconque, notre partenaire meurt? Notre partenaire disparaît dans une profession, disparaît dans une obligation sociale qui nous fait perdre les paramètres ou la capacité d'appliquer certains paramètres qui créent une harmonie. Il y a beaucoup de l'harmonie qui est liée à la proximité, à une influence qui appartient à deux individus, qui appartient à des règles, des ententes qu'ils ont entre eux. Et puis, dans cette mesure, il y a une forme d'harmonie. Dans Kayet, on pourrait dire, pour forcer la note, qu'au niveau de l'âme, un arabe qui impose sa ligne de conduite à la femme, si la femme accepte les règles, qu'elle ait peur ou qu'elle ait pas peur, qu'elle soit endoctrinée au niveau de la religion ou pas, ça reste quand même que c'est pas l'idéal de vie pour l'être. C'est un idéal de vie pour notre bon arabe qui peut, par la domination, stabiliser son avenir. Mais ça ne veut pas dire que c'est intelligent. Ça veut simplement dire que du point de vue de cette culture-là, on accède à une forme d'aboutissement. Et qu'est-ce qui nous dit que la religion, cette religion-là, est plus évolué qu'un autre. C'est toujours une relativité selon une croyance. C'est toujours l'âme qui, par le biais de la croyance, impose une ligne morale, une ligne de conduite, qui s'applique autant dans les domaines mafieux que dans les domaines moraux, qui sont souvent les gens qui sont les tenants des règles ou des principes de cette même religion. C'est dire ici à quel point tout est varié, tout est... influençable, si on en tient compte, que de l'âme. Quand arrive l'esprit, on dirait que le gros bon sens prédomine sur tout, sur les religions, les cultures, la politique. Pourquoi? Parce que l'esprit ramène l'individu au gros bon sens. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous annoncer pour une année comme 2014? 2014, c'est une année qui amène l'individu aux limites de l'âme. Il y a plusieurs planètes, Neptune en poisson, qui est un peu la façon de, comme on dit, de closer une étape de pratiquement 60 ans. Et Neptune en poisson, évidemment, ça force l'être à comprendre la vie à partir de principes qui sont au-delà de la spiritualité, qui sont des principes à caractère, on va les appeler comme ça, cosmiques, mais ça dit pas grand-chose. Disons qu'on va dire que c'est une espèce de gros bon sens intergalactique qui fait que n'importe quelle race, de n'importe quelle culture, qu'elle soit d'ordre extraterrestre, terrestre, ou imaginez ce que vous voulez, en vient éventuellement à des grandes règles de vie. Des choses simples, mais des choses qui font état d'une situation qui est liée à la réalité, qui n'est pas liée à des vérités, qui est liée à une grande sagesse, qui n'est pas liée strictement à des croyances. La sagesse, c'est pas nécessairement la science des croyances. Ça peut être tout simplement, il fait froid dehors, il faut s'habiller, sinon on va mourir gelé. Ça peut être quand il pleut, on se couvre. Ça peut être de tout simplement penser qu'il nous faut un abri pour se protéger quand on dort. C'est de la grande sagesse, vous savez. Le gros bon sens, c'est des réalités très simples, très communes. Un Chinois disait à un moment donné, un grand voyage commence par un petit pas. C'est sûr que si on commence pas, on fera jamais le voyage. C'est simple. Mais ça dit ce que cela dit. En voulant dire, ceux qui parlent beaucoup, s'ils sont pas capables d'agir, ils avancent pas. C'est pas parce que tu parles que tu marches, hein? Donc, si en cours de 2014, vous dites, bon, ben, Ménard, il dit le maximum avec ce qui reste. Vous savez, vous pouvez avoir taillé un chêne, il pouvait être très gros. Mais si vous avez encore des semences, vous pouvez le transporter ailleurs. Il vous faut une graine de chêne pour faire un chêne. Il n'y en a pas besoin de 250. Et si vous dites, ben, je vais transporter une chaîne de 50, 100 ans, c'est pour beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail à le rendre viable, le projet en question, que de planter une graine de chêne pour en avoir un flambant neuf dans 50 ans. Le maximum avec ce qui reste. Il peut vous rester beaucoup quand vous avez de l'espoir, quand vous avez de la vision. Il peut vous en rester beaucoup si vous êtes capable de comprendre la nature des choses. Il peut vous en rester beaucoup, beaucoup, beaucoup si vous savez travailler avec le temps, avec des petites choses. Vous pouvez balancer vos vibrations avec une capacité de chanter un refrain, de jouer avec une harmonica, de jouer avec le son de votre bouche. Vous pouvez faire beaucoup de choses. J'ai vu aujourd'hui sur Got Talent, en Hollande, une petite fille qui avait appris à chanter classique, du Puccini, s'il vous plaît. On s'entend qu'il y a juste Maria Callas qu'on a entendu à peu près dans ces registres-là. Eh bien, une petite fille de 9 ans qui a pas eu de professeur de musique, qui sait même pas ce que c'est du solfège, qui a appris la toune par cœur en écoutant ça sur YouTube. 9 ans. Je vous jure que quand vous écoutiez ça, là, elle n'avait pas à rougir devant des grandes castafiore. C'était assez impressionnant. Évidemment, toute personne a des rêves. Toute personne sait qu'à un certain moment donné, le chemin pour se rendre à son rêve est plus important que le rêve lui-même. Et évidemment, cette année, ce que je vous dis, c'est que vous allez ramener tout à l'essentiel et regarder où vous en êtes rendu dans vos rêves. Et conséquemment, vos rêves vont vous emmener à regarder le chemin qui reste comme le chemin accompli. On parle souvent de demi-verre plein ou de demi-verre vide, et que, bon, évidemment, c'est philosophiquement très intéressant. Ça nous fait voir si on est optimiste ou pessimiste. Mais peu importe, la moitié d'un verre, ça restera la moitié d'un verre, peu importe. Peu importe comment qu'on le regarde. Et c'est un peu comme ça, là. C'est 2014, c'est comme la lecture du chemin parcouru, la lecture du chemin qui reste à vivre, et l'attitude que l'on a vis-à-vis ce qui reste à vivre. Et c'est très intéressant de voir si vous êtes fatigué du demi-chemin, ou si vous êtes encore dans l'espoir de parvenir à finir le demi qui reste. Et c'est pas évident, parce que... comme j'ai déjà expliqué à beaucoup de gens, On attend souvent de se motiver. Et souvent, la motivation ne se présente pas avant. Elle se présente quand on se met dans le mouvement. Et dans le mouvement, il s'applique une nouvelle énergie qui est un peu comme si le fait du vide développait une volonté de vivre, un développement de, moi j'appelle ça de l'électricité du contact, mais pour certains, c'est simplement une inspiration. Et cette inspiration qui ne se parle pas, qui ne s'explique pas, mais qui crée un courant où l'individu s'engage et ne s'engage pas pour un résultat, mais s'engage pour pouvoir faire le chemin simplement. C'est un petit peu ça que je vous annonce au cours de l'année 2014. Une volonté basée non pas sur le résultat, mais une volonté basée sur le simple fait de vouloir continuer à parcourir le chemin, avec une curiosité de savoir où ça mène, avec qui on pourra le vivre, et savoir si ces gens-là participent au mouvement pour les mêmes raisons que vous. Et que si eux autres, c'est strictement pour le résultat, vous allez sentir un affaiblissement de leur être au fur et à mesure de la démarche, et de la démarche dans laquelle leurs attentes vont lui donner l'impression d'être soufflées par le vent. Alors que c'est votre lumière interne à vous qui va faire que vous allez continuer alors que eux vont laisser tomber. Donc, regardez le groupe comme vous le voulez. Mais vous aurez, avec le temps, la compréhension parfaite que ce n'est pas un groupe qui vous appuie, encore moins un couple, mais que c'est votre feu intérieur qui vous pousse à continuer à parcourir le chemin, peu importe les obstacles ou les tests que vous aurez à passer. Il y a un temps où c'est l'évaluation en classe qui nous motive à étudier, et puis à un certain moment donné, on se rend compte qu'on aime étudier. Et qu'on n'a pas besoin d'être noté, qu'on n'a pas besoin d'être qualifié, on n'a pas besoin de se faire dire par les autres que c'est correct ou pas correct, parce que votre chemin devient votre chemin. Votre chemin n'est pas une copie conforme d'un comportement stéréotypé dans une structure sociale. Vous allez me dire, oui, mais ça me dit pas si je vais m'acheter une maison, si je vais changer d'ouvrage. Ce langage-là, je l'ai éliminé dans ma vie, parce que ça, c'est des résultats. Des résultats d'une ligne de destinée qui vous est particulier, qui ne s'applique pas nécessairement à vous, mais qui s'applique à des lignes de conduite généralisées, collectives. Moi, ce que je vous parle, c'est une démarche que tout individu doit parcourir à un moment donné et où, à un certain moment donné, il est pris dans la trappe de l'évaluation collective. Moi, je vous parle du chemin qui va après la collectivité. Et collectivité, j'entends deux personnes et plus. Donc, c'est dire ici que je vous parle spécifiquement de votre développement d'identité, de votre conscience personnelle dans le parcours d'une année comme 2014. Là, vous allez me dire, sur quoi tu t'appuies pour dire ça à tout le monde? Je m'appuie sur le fait que Neptune en poisson engendre tellement de confusion dans les croyances des gens, qu'à un moment donné, pour pas être pris dans la trappe de la croyance, on est obligé de se former une idée personnelle de ce que doit être la vie. Neptune en poisson s'associe à Saturne en scorpion, qui lui te fait descendre en enfer pour arrêter de te questionner sur les valeurs qui sont totalement, on va dire, artificielles, mais qui sont réelles aussi, parce que une valeur, ça peut être lié à une forme, mais il reste quand même que, exemple, moi je m'intéresse aux carabines, mais l'été seulement. Quand j'arrive à l'hiver, j'ai pas autant d'intérêt pour les armes que j'ai en été. Pourtant, je fais de la compétition pour la précision, et puis je tire sur du papier, je tire pas sur des animaux. Fait que les gens peuvent pas dire, ben c'est parce que la chasse est finie. Non, ça a aucun rapport. Je peux m'entraîner autant l'hiver que l'été. C'est juste que l'hiver, c'est pas pour moi la zone où je me développe. Pour ça, je peux faire d'autres choses. Puis je fais d'autres choses. Entre autres, je vais jouer de la guitare l'hiver, puis je vais jouer de la carabine l'été. C'est des choix personnels. C'est pas des choix, mais c'est une pulsion naturelle vers telle ou telle activité. Quand on en est rendu à être capable de dire, ben moi je vibre pour ça dans telle saison, puis je vibre pour telle autre chose dans telle autre saison, on peut dire vraiment que l'identité se pointe à l'horizon et qu'on ne fait pas les choses pour une performance ou un résultat quelconque, mais on le fait pour être simplement capable de balancer nos vibrations, être capable de donner un sens à de la vie, à du temps, à un mouvement qu'on peut vivre avec d'autres ou qu'on peut vivre d'une façon très isolée ou très personnelle. Donc, très bonne année, si on le regarde d'un point de vue individuel, très mauvaise année pour les gens qui vont regarder ça d'un point de vue collectif. Parce que si vous vivez cette expérience-là avec une ligne de pensée qui est à caractère collectif, vous allez vous sentir abandonné. Pas parce que les gens veulent vous abandonner, mais c'est parce que il y a tellement de diversité dans la forme qu'on peut faire les choses, la même chose, pour différentes raisons. Et le plaisir d'être avec l'autre, c'est la raison avec laquelle on fait la même chose. Si l'autre diverge dans sa perception du résultat, c'est moins le fun quand on le pense collectivement. Mais c'est très le fun, c'est très viable si on le fait d'une façon individuelle. Et c'est la ligne en 2014 où l'individu va réellement se sentir pas isolé, mais confronté à sa réalité individuelle et non pas à une réalité individuelle, mais avec des sauvegardes ou des garde-fous collectifs. 2014, c'est également l'année de ce que j'appellerais la comptabilité créative. On a, avec l'effet de Saturne en Scorpion, qui encore s'affiche cette année, on a donc encore une sorte de restriction du crédit. Pas tellement qu'on n'a pas de crédit. Ça, tout le monde a plusieurs cartes de crédit dans ses poches. Mais on a une propension plus axée sur la restriction vers l'épargne. L'épargne étant pour ceux qui en ont. La restriction étant pour ceux qui en ont très peu. Et conséquemment, on n'épargne pas vraiment, mais on paye ses dettes. Je ne sais pas trop si le peuple est à l'image de sa chefferie, de ses ministres, de ses députés, donc en résumé de l'État, ou si c'est l'inverse, c'est l'État qui est à l'image de son peuple. J'ai tendance à penser que les deux sont complices parce qu'ils arrivent avec des chiffres différents, mais une attitude réellement complémentaire et certainement similaire dans bien des cas. Le Québec, cette année, déclare un déficit de 2,5 milliards. Évidemment, vous n'êtes pas assommé par ce montant, mais on peut facilement dire que vous sentez le diable vous souffler dans le cou. Et conséquemment, ben, ça exige d'avoir une attitude pratiquement double, dont une seule est faisable. C'est ou bien on restreint ses dépenses, ou bien on augmente ses revenus. Évidemment, le gouvernement, parce qu'il est en politique et il se promène d'une menterie à la vérité, il est obligé de dire qu'il va faire les deux. Ça se dit mieux qu'on va couper dans les dépenses et qu'on va également augmenter les revenus. Ça donne la sensation ou l'impression au peuple, au petit peuple croyant, d'être en bonne main. Mais vous, dans votre vie, augmentez-vous vos revenus cette année ou si vous réduisez dans vos dépenses? Une question de 100 piastres, ça, là. Hein? Eh oui, moi, j'ai décidé de couper dans mes dépenses parce que je crois pas à l'augmentation des revenus. Tout le monde est pauvre. Tout le monde s'appauvrit, puis tout le monde veut plus s'entraîner dans une sorte de chaîne spiralisante de dépenses qui est sur les cartes de crédit. Quand mon garçon était plus jeune, il me demandait « vais-tu pouvoir avoir des cartes de crédit plus tard? » J'ai dit « Définitivement, il les donne. » « Ah oui, il nous donne du crédit. » Eh oui, du crédit, c'est un attachement qui est plus fort que le mariage. Tu peux te marier 2-3 fois dans ta vie, mais du crédit, quand tu l'as dans l'os, la seule façon de s'en sortir, c'est de faire faillite. Ah, je veux pas faire faillite, je veux garder mon nom. Mais si tu veux garder ton nom, mets pas de carte de crédit dans ton portefeuille, parce que tu vas inévitablement goûter à ce poison qui se perpétue indéfiniment. Mais y a-tu moyen, papa, d'être intelligent avec le crédit? Oui. c'est que si tu payes 25% d'intérêt, il faut que tu fasses 40% de profit. Là, tu vas payer tous les frais, tu vas payer les intérêts, et puis tombe pas dans la trappe qu'il faut que tu payes juste les intérêts. Non, non, non, non, non. Quand tu pourras, avec tous tes investissements judicieux, payer toutes tes cartes de crédit, tu vas avoir le fameux nom que tu cherches. On appelle ça une réputation de bon crédit. Idéalement proche des 800, c'est mieux que 400. Ça, c'est pour Equifax. Tu vas comprendre un jour, mon fils. Et voilà que il est appelé à jouer avec le crédit parce qu'il est en affaires. Et il se rappelle évidemment que papa a dit, si tu empruntes pour faire de l'argent et que tu en fais plus que les intérêts que ça te coûte, tu es en santé. Il a bien compris, puis il a une grosse business. Ce que je connais pas, c'est sa vie personnelle. Jusqu'où il est capable d'appliquer cette technique-là? Écoutez, ben, j'ai pas accès à autant de privilèges vis-à-vis mon fils, mais moi, je vous donne un second conseil après vous avoir fait voir que si vous utilisez le crédit, il faut principalement l'utiliser pour l'investissement. Mais je peux vous donner un warning. Tu sais, une petite lumière qui flash dans le dash, qui flash dans le tableau de bord. Si vous êtes rendu à vous servir du crédit pour manger, une carte de crédit au restaurant, ça peut passer. Mais une carte de crédit chez IGA, Métro, Lobla, c'est moins bon. C'est pas un signe de grande santé. Vous allez me dire, ouais, mais je ne voulais pas traîner de cash sur moi. Le problème, c'est que c'est comme de l'argent magique, le crédit. Et on achète quelques bouteilles et quelques aliments de plus, qui n'est pas nécessairement. Mais comme c'est pas de l'argent papier ou je dirais plutôt en plastique qu'on a maintenant, étant donné que c'est pas ça qu'on a entre les mains, ben c'est comme plus facile de jouer avec ça. Donc, si je vous prédis qu'en 2014, il y a un resserrement du crédit, c'est parce que le diable nous souffle dans le cou. Et à un certain moment donné, il faut savoir en quelle année ou à quel mois dans l'année qu'on doit dire « wow, c'est assez là ». Assez, c'est assez. Enough is enough. Donc, cette année, pour tout le monde, j'annonce une résistance à la dépense. Pour certains, un goût à l'épargne. Pour d'autres, une capacité de creuser profond pour vendre des choses qui sont inutiles. Se concentrer sur ce qui est utile. Garder en tête que si l'investissement se colle à un besoin, ben c'est d'utiliser ou d'acheter des produits qui ont une très longue durée. Genre, vous achetez des produits qui ont une durée assurée de 10 ans. Là, à ce moment-là, on peut considérer que c'est un investissement. Si vous êtes capable de dire, moi, je m'achète un lit de 1 000 $ amorti sur 10 ans et que vous tenez votre bout, comme on dit, ben ça vous fait pas cher de la nuit ou de l'heure dans la nuit que vous dormez dessus. C'est intelligent. Là, c'est pas de la consommation, c'est du placement. Donc, la mise en garde que je vous offre avec cet effet planétaire qui est Saturne en Scorpion, Scorpion étant le signe du crédit, Saturne étant une planète de restriction, la mise en garde que je vous donne, c'est essayer de pas trop jouer dans des terrains où la tentation, le désir, l'excitation, l'effervescence a grand jeu. Faites un Capricorne de vous. Les Capricornes ont cette nature plus réservée vis-à-vis de la dépense, sont plus axés sur l'utilisation maximum de leurs biens. Je comprends que vous allez dire, ouais, ça fait une vie plate. Laissez faire le jugement. Ça peut être très intelligent d'avoir une vie plate. Puis ça demande aussi, effectivement, beaucoup d'intelligence de pouvoir s'amuser dans une vie plate. Il faut changer ses systèmes de valeurs et ça, c'est bien. C'est très bien. J'ai toujours dit aux gens, le mal qu'on vit dans la vie, les difficultés, les restrictions, quoi que ce soit, c'est des tests que les forces ou l'intelligence nous présentent. Et passer le test, ça nous rend toujours plus forts et conséquemment aussi plus intelligents. Donc, vous avez une exceptionnelle année pour démontrer que vous êtes plus intelligent, beaucoup plus intelligent que la misère. Pourquoi vous allez me dire la misère? Ben, il y a des situations où quand on n'améliore pas la forme de notre condition de vie, il nous reste la perception qu'on se fait, la lecture qu'on fait des événements dans notre vie. Et si on est assez naturellement positif plutôt que pessimiste, on regarde ça comme un entraînement, un test, une ligne de conduite restreinte pour un temps, mais pour être capable de ne pas être décourageable, principalement, devant les obstacles, devant les restrictions. Et c'est dans ce sens-là que ce type de test-là peut être bon. On court le marathon, on est obligé de tenir compte de notre hydratation, on est obligé de tenir compte d'une certaine forme d'alimentation avant de s'engager dans un parcours de 26 km ou plus. Bon, ben c'est la même chose depuis un an qui commence à se présenter. Vous avez pratiqué dans l'année 2013 une certaine restriction de train de vie, mais c'est l'année 2014 qui vous fait passer l'examen. C'est en 2014 que vous allez voir l'importance de payer ses dettes, l'importance d'avoir payé, parce qu'il y en a certains qui ont été affectés un petit peu avant, parce que Saturne est déjà rentré en Scorpion en 2013. Donc, il a prédisposé certaines personnes, justement, dans l'année 2013, à finir de régler une partie de son pavé à traîner, de son boulet à traîner, plus comme vous voulez, là. C'est une charge, tout simplement. Il y en a donc qui ont commencé à goûter à ça, mais qui ont, en 2014, qui ont un vif intérêt à pas se redonner cette forme de pensée ou cette forme d'obligation dans les prêts qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'usuraire, parce que c'est pas rare les cartes de crédit à 20, à 25%, même à 30%. C'est du prêt usuraire permis par le gouvernement. Une chose que lui, il applique pas ça, parce que ça serait violent. Et puis, on s'en compte évidemment que les personnes qui sont exposées à cette forme de restriction, surtout les signes positifs en particulier, sont plus exposées à frustrer que les autres à signes négatifs, négatifs étant les signes d'eau et les signes de terre. Ils sont, eux autres, un petit peu plus habitués de fonctionner en mode défensif. Il faut comprendre que l'effet d'Uranus, qui est la planète des imprévus et de la spontanéité, si on pourrait dire, de l'invention intense, est en Bélier. Donc, conséquemment, c'est un signe positif qui aime aller de l'avant et puis favorise avec Uranus des coups de tête sérieux. C'est dans le sens de dire, hey, ça, là, moi, je peux pas me priver toute ma vie. On a juste une vie à vivre, puis papa. Puis là, ça pousse la machine dans une situation assez urgente et grave. C'est grave parce que c'est intense et que c'est gros, conséquemment. Et puis, intense parce qu'Uranus fait rien comme l'habitude l'a déjà préposé, présenté, c'est-à-dire dans le passé. Donc, c'est toujours nouveau à soi, nouveau souvent pour les autres, et sans point de référence à la mémoire. Donc, ça peut être dangereux, parce qu'un coup de tête, avec toutes ces caractéristiques-là, ça peut être un méchant coup de tête, t'sais. Donc, si vous êtes dans les signes d'air et de feu, c'est plus dangereux que ça se passe comme ça. Et si vous êtes dans les signes d'eau, vous allez avoir une petite hésitation, une petite gêne, comme ils disent tout le temps. Et ça va vous protéger contre l'exagération. Il y a, dans les autres planètes, il y a Saturne qui est en Scorpion, il y a Jupiter qui est en Cancer, deux signes d'eau. Il y a Saturne en Scorpion, je l'ai dit. Il y a Uranus en Bélier, Neptune est en Poisson, encore un signe d'eau. Et puis on a Pluton en Capricorne, qui est un signe de terre. Vous remarquez que le portrait global international est dans les signes négatifs. Il y a seulement que dans les cinq planètes là qui nous concernent, les trois à caractère collectif, Uranus, Neptune, Pluton, et les deux à caractère individuel, Jupiter et Saturne, ben sur ces cinq-là, il y en a quatre qui sont dans les signes négatifs, donc qui prédisposent à la prudence, qui prédisposent à la réserve, qui prédisposent à l'épargne ou à la limitation des achats intempestifs, anti-marketing. On pourrait dire qu'il y a quatre planètes anti-marketing et une autre que quand elle a une chance de passer, elle pousse fort intensément et elle amène les gens être dérouté et puis être sous l'effet de la férule des psychologues commerciaux, industriels, qui cherchent vos failles absolument pour vous faire tomber dans le centre d'achat. On invente des fêtes, on en met beaucoup, il y en a au moins une par mois. Là, cette année au Canada, on a ajouté le Black Friday, qui était quasiment une mode strictement américaine, mais pour stimuler les ventes avant Noël, et puis le Boxing Day après Noël, on en met du matériel, tu sais, regardez nos circulaires, on peut acheter sur Internet, tararara. Tout ça à la vitesse de la lumière, puis avec des augmentations de crédit qui vous ont été présentés au courant du mois, au courant de l'été puis au courant de l'automne. Bon, vous pouvez pas dire que c'est pas organisé. Donc, dans cette optique-là, vous allez vous sentir instinctivement, intelligemment dirigé vers une très grande prudence et voir une attitude quasi belliqueuse devant toute forme d'accession à votre mental. Ce qui en résulte en soi que ça force l'individu à avoir beaucoup plus d'individualité que de sens collectif. Même pour les œuvres de charité, les gens vont être un petit peu moins naïfs. Parce que là, ils commencent à voir que, bon, il y a des problèmes aux Philippines, il y a des problèmes avec Haïti, il y a des problèmes, tu sais, puis que là, tout le monde qui est riche doit sauver le reste de la planète. Puis souvent, les riches, c'est pas les riches, c'est juste des gens plus riches, les Haïtiens. Mais les riches, riches, riches, riches, là, on n'entend pas parler autrement que parce qu'ils peuvent faire des déductions fiscales. C'est très mental, disons, ou très froid vis-à-vis de les catastrophes cosmiques et interplanétaires. Parce qu'ils veulent que ça soit rentable dans leur fiscalité. La personne qui donne, elle, qui manque de pain dans la semaine, puis qui, par solidarité, va dire, ben, je vais envoyer un petit vin là. C'est pas le même état d'esprit, pas en tout, là. C'est vraiment, elle est pauvre, je suis pauvre d'un pays riche, donc j'ai plus d'avantages qu'elle. Elle a pas d'assurance sociale, et puis moi, j'en ai. C'est ces éléments-là qui commencent à changer. Vous allez voir dans les prochaines années, parce que Neptune est en poisson pour un fameux bout, on a déjà parlé souvent dans les autres années que depuis 2009, Pluton est en Capricorne pour sortir de là strictement en 2026. Et je sais pas si vous savez, je vous avais annoncé en 2010 que c'était pour commencer à cogner. J'avais prédit depuis l'âge de 21 ans que l'apocalypse commençait en 2010. Je me suis pas trompé trop, parce que la crise est arrivée en 2009, qui était finalement l'année 2010, parce que quand on dit l'année 2009, l'année 2009 est terminée, et c'est la 2010e année qui commençait à ce moment-là. Bon, je veux pas dire que j'étais bon, mais effectivement, sans le savoir, j'étais bon. Et puis, ça finit en 2026, fait que il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer au niveau des mentalités. Là, on commence à voir que 2009, on nous avait une amélioration de ci, une amélioration de ça, mais qu'en final, on n'a pas eu une expansion aussi fulgurante qui a été dit. Puis s'il y a eu expansion, ben c'est pas mal les mêmes qui ont réussi à l'attraper, parce que les gens qui ont joué avec la finance, les banques, puis tous les médias financiers, ont pas vraiment corrigé leur façon de faire. Ils ont, disons, masqué un peu mieux, ils ont récupéré certains montants, ça va de soi. Mais ça va de soi, puis c'était en même temps inévitable. Donc, ils nous ont pas fait une surprise, mais ils ont pas amélioré les conditions de la planète sur le plan de la finance. Ça, c'est clair et net. Donc, ce que je prévois pour la finance internationale, c'est un regard plus sérieux sur des choses qu'on a essayé de reporter en faisant surconsommer les gens. Faut pas oublier que dans le passé, on n'avait pas autant de crédit, puis quand on annonçait une récession, ben c'était comme un mouvement cyclique normal. Là, on est rendu au stade que le mouvement cyclique a été constamment brisé, je parle des facteurs de récession, par le biais du consommateur. Le consommateur, quand il consomme, ben au mieux, il peut avoir récession zéro, mais s'il surconsomme, lui, il s'hypothèque quand même beaucoup. Les pays se sont aussi hypothéqués. Je pense juste aux Américains qui ont la sacro-sainte manie d'imprimer de l'argent à chaque fois qu'ils ont des problèmes de finances. À jouer au fou de même, là, à un moment donné, t'as beau être le pays le plus armé sur la planète, tu vas quand même créer un déséquilibre avec le temps. Et c'est ça qui va être l'apocalypse. Le regard vers l'argent qui sera différent. Là, vous allez me dire, on n'est pas dedans. Oui, on est dedans. On est dedans, mais c'est subtil, c'est silencieux. C'est nos dirigeants qui, pour éviter la catastrophe, nous imposent, ni plus ni moins, qu'un mode de vie de vache à bouffer du grain, puis du grain, puis du grain. Il y a combien de choses qu'on a dans une maison qu'on s'est servi une dizaine de fois, et puis que personne a dit, ouais, ben ça, c'est pas pour moi, ça. J'avais ce problème-là avec une souffleuse l'année passée, jusqu'à temps que je calcule comment ça coûtait de le faire, puis j'ai trouvé que ça, le faire, c'était bon pour mon cœur, ma santé, et puis même mon portefeuille. Il y a beaucoup de choses qu'on regarde à travers les yeux des autres. Et puis moi, ce que je vous enligne, c'est de penser à travers vos yeux, vos besoins, votre réalité, et d'en enlever un petit peu, parce que vous avez certainement été brainwashé par la publicité, par les journaux, la radio, et votre voisin, évidemment. Et ça, à regarder à travers son propre œil, c'est avoir de l'identité. Vous avez toujours cherché à avoir de l'identité, vous vous êtes toujours demandé comment on pouvait arriver à avoir de l'identité. Ben, c'est une façon très simple. C'est d'avoir une excellente gestion de nos instincts, surtout dans la consommation. C'est pas une affaire de vouloir sauter à la voisine. Non. C'est une affaire de bien gérer sa finance. Et si vous avez un bon contrôle de vos instincts, vous allez avoir une minutie dans l'application de votre énergie à aller chercher la consommation, puis vous allez être plus un utilisateur qu'un consommateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie, ça va être plus intéressant pour vous d'utiliser au maximum ce que vous avez pensé être l'achat du siècle et puis qui a tourné après certaines difficultés dans le garde-robe. Et là, vous allez dire, non, ça va être un défi de vie. Il y en a qui montent l'Everest et puis on est plus intéressé à leur performance qu'à la bebelle qu'ils ont achetée. La fille qui a traversé l'Atlantique à partir d'Halifax jusqu'en France, elle avait pas nécessairement un bateau plus cher que votre auto, mais elle avait du cœur au ventre pour pouvoir le faire, puis braver l'eau, elle aimait pas être dans l'eau, puis elle aimait pas l'eau tout court, à part de la boire. Et puis, c'est bien évident qu'elle a pris un défi qui, sans écouter sa maison, puis ses prochains 10 ans de travail, l'ont certainement amené à un niveau, une réputation, une compréhension de la vie ou de sa vie ou d'elle-même qui vaut plus cher que l'équipement qu'elle avait. Je vous dis pas que tout le monde doit se donner un défi de cet ordre-là, pas là l'idée, mais de se donner le défi d'être en équilibre dans sa vie pour ne pas être manipulable au niveau de la finance, principalement pour les femmes, de lâcher l'idée qu'il va toujours avoir un prince charmant qui va économiquement vous balancer ou payer à votre place. Sortez de votre rêve, les gars, ça lui tente plus. Et puis ça, partant de là, votre grand rêve d'être pris en charge, il glisse lentement comme le Titanic dans le fond de la mer. Donc, ça devient important pour tout le monde, pas juste la femme, puis pas juste ceux qui sont à la recherche d'une identité. Ça devient très important d'avoir une bonne gestion de ses énergies, puis ça apparaît plus concrètement dans la finance. Éventuellement, l'année prochaine, je vais probablement, en 2015, vous dire de faire attention à votre santé, parce que les effets de Neptune vont avoir commencé à faire beaucoup de travail sur le psyché des gens. Il est déjà dans le signe du poisson, et avec cet effet de planète-là, on a tendance à voir des extraterrestres là où il n'y en a pas. C'est pas parce que vous voyez votre belle-mère en bigoudi que c'est nécessairement un être extraplanétaire. Mais des fois, on a pris de la force et puis on commence à avoir de l'imagination, on a certaines illusions, certaines formes de, moi j'appelle ça des passages à vide. Et puis, avant de se suicider, ben, on commence à regarder comment est-ce les autres se comportent, puis on se dit, ouais, ils devaient le faire avant moi. Mais c'est pas là le point, c'est le comment on veut vivre, je dirais, il y a une nomenclature de certains processus ou d'étapes de vie qui est nécessaire de passer pour avoir un mode de vie. Un mode de vie, c'est pas de regarder le hockey indéfiniment. Tu sais, c'est de savoir dans quel la Charte des valeurs du Québec, ça peut être la Charte des valeurs de Joseph Touin, là, tu sais, c'est pas compliqué, là, il s'agit de savoir dans quel moule, dans quel cadre on veut vivre et non pas de chercher le cadre des autres. Il y a un gars qui me disait que c'est quoi ta position vis-à-vis de la Charte. Je lui dis, je pense pas que ce soit les femmes arabes qui soient le problème. Je pense plutôt qu'avant de s'intégrer au Québec, on devrait demander aux messieurs qui sont arabes s'ils connaissent le hockey. Parce qu'ils disent, notre religion, nous autres, c'est le hockey. Fait que si le gars connaît pas le jeu du hockey, s'il connaît pas Price puis Subban, ben tu leur retournes dans son pays parce que il a pas compris comment il fallait vivre ici. C'est des fins de semaine de télévision et puis une compréhension parfaite de qui va gagner la Coupe Stanley. C'est pas une histoire de religion au Québec, on est laïque. Le fait de notre laïcité, ça fait qu'on a notre vraie religion, c'est le sport. Vous allez rire peut-être, mais je vous jure qu'on n'est pas loin de la vérité. Je suis pas sûr qu'il y ait un musulman qui sait comment ça marche le hockey au Québec. Pas mal sûr. Et s'il est contre le sport en général, ben c'est sûr que c'est un intégriste. Donc, dans l'évolution de votre année, vous allez peut-être commencer à rire de ce qui apparaît important. La vraie affaire importante au Québec, c'est surtout dans la région de Montréal, c'est le pont Champlain, l'échangeur Turcot. Mais pour le reste, ça va bien. Si on vit une vie individuelle, on fait quand même un assez bon salaire comparé à d'autres pays. On a un mode de vie qui est quand même calme, parce qu'il n'y a pas rien qui suggère vraiment. C'est pas 3% d'Arabes au Québec qui peut nous susciter à lever les fusils puis à dire bon ben abat la race puis ces choses-là. C'est pas vraiment dangereux. On en fait plus que d'autres choses parce que des fois on manque de nouvelles et puis on tape ces gars-là, tu sais. Fait que la vie est difficile selon comment on la regarde. Si moi je regarde les restrictions qui vont apparaître, qui sont déjà apparues de façon en 2013, mais qui vont surtout apparaître en 2014, puis on ne sait pas encore vraiment pour combien d'années et comment, là, tu sais. Je vous dis les facteurs santé, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vieillissent au Québec, ben les facteurs santé vont commencer à jouer, là, on va commencer à chialer sur les médicaments, les ça. Mais la game n'est pas là, je vous le dis, c'est dans votre tête. Tout est dans votre tête. Tout a toujours été dans votre tête. C'est juste qu'on prend plus conscience de notre tête quand on est, à un moment donné, comme envahi par la radio, la télévision, les computers, les multimédias. Ah, écoute, quand un gars passe ses journées sur Twitter et Facebook, là, en plus de travailler, c'est impressionnant, là, tu sais, c'est impressionnant. On entend des choses sur ces médias-là qui, à un moment donné, tu sais, quand tu dis un gars va se ramasser avec un ticket de 2000 pièces parce qu'il écrivait en conduisant. J'aurais jamais pu imaginer ça, moi, dans ma vie. Il m'aurait juste à apprendre que le monde font la même chose avec une moto. Et puis là, moi, je vais me sentir réellement dépaysé, là. Donc. La surprise, on commence à s'habituer à la surprise. On s'habitue de plus en plus à la divergence. On s'habitue de plus en plus à des espèces de miracles qui n'existaient pas dans le passé, qui aujourd'hui deviennent de plus en plus communs. On est impressionné par tous les journalistes qui apparaissent sans nom dans l'univers des multimédias. On a des déplacements incroyable de systèmes de pensée qui se font à travers la radio, la télévision. Je vous dis, vous fermez la télévision, la radio, puis vous vous coupez de votre computer pendant 6 mois. Quand vous allez revenir, vous allez être sur une autre planète. Ça va être complètement différent. Pourtant, vous êtes resté à la même place. Vous êtes resté au même endroit, sans bouger. Et le problème est justement qu'il faut bouger. Il faut utiliser les ressources et il faut pas se perdre de vue. Méchant challenge quand même. Donc, quand je vous prédis une année 2014, restrictif, c'est plus des fois de la prudence, peut-être même mêlé à de la peur d'être dépassé, qui fait qu'à un moment donné, on a besoin de faire des réserves. Parce qu'on se dit, écoute, à la vitesse que ça va, moi l'année prochaine, je sais pas où est-ce que je vais être rendu, je sais pas si je vais avoir de l'ouvrage, je sais pas si ça, ça, ça. Et puis c'est ça que vous allez vouloir vous faire, un mode de vie que vous pouvez avoir, la contenance et je dirais même jusqu'à un certain contrôle contre la collectivité, des fois avec la collectivité, mais sans jamais avoir la certitude absolue que la collectivité va aller dans le sens de vos intérêts. Donc, l'identité, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Puis c'est pas de l'individualité. L'identité, c'est profond. L'individualité, c'est une autre forme de personnalité. c'est la personnalité anti-suiveux, anti-gang, anti-pareil comme. Mais il y a tellement de modes qu'on finit par dire, ah, regardons ça, lui, il m'a copié. Alors, il vous a pas copié, mais il a trouvé qu'il y avait des caractéristiques dans le fait de l'identité, comme exemple, avoir beaucoup d'autorité, et non pas dominer avec l'autorité, mais avoir beaucoup d'autorité pour s'afficher solide, puis pour se sentir solide. La personnalité, ça s'affiche solide, mais ça n'a pas de solidité. L'identité, ça l'a profondément de l'autorité. Et qu'il se fasse accuser, rejeter ou tout ce qu'on peut imaginer parce qu'il a de l'identité, il s'en fout parce qu'il vit pour son mode de vie. Il vit pas pour le mode de vie du voisin. Le voisin, il cachette ce qu'il veut, qu'il vive comment qu'il veut, qu'il traite sa femme comme il veut. C'est plus de vos affaires. Vous avez dit bon ben moi ma structure intime, elle se positionne comme ça. J'ai des valeurs fixes puis je me ferai pas traiter d'instable parce que what you see is what you get. Ce que vous allez voir, c'est ce que vous allez avoir. Mais c'est dans cette optique-là que ça se présente pour 2014. Là, on vient de franchir presque la moitié du cycle que j'avais donné, qui était 17 ans de mutation. J'avais fait un CD là-dessus en parlant de l'apocalypse et que c'était pour faire des grosses mutations au point de dire que l'apocalypse, c'est la totalité de ces mutations-là qui va faire que les gens vont agir et réagir différemment. Là, on a encore vis-à-vis de nos dirigeants une certaine forme de fascination parce qu'on a l'impression qu'ils voient large. Mais regardez les équipes de travail qui ont autour d'eux autres justement pour voir large. Vous auriez une vue aussi large si vous étiez capable de faire la nouvelle plutôt que de la lire. C'est vous qui faites la nouvelle, vous avez plus de contrôle que de lire la nouvelle. Donc, ces gens-là ont l'avantage de leur poste, mais ils n'ont pas d'avantage réel sur votre personne. Les gens commencent à s'en rendre compte, puis l'espèce de jeu d'impuissance qu'on a à pouvoir corriger les choses, ça va changer dans les 10 prochaines années. On va voter par Internet à un moment donné. On va contrôler des jeux de mafia, que la mafia elle-même ne sait pas encore comment que les gens vont le faire, mais il y a un mouvement de prise en main de l'équilibre des gens qui se fait sur des périodes de temps plus courtes. Des affaires comme la commission Charbonneau ou quoi que ce soit, ça va avoir fait pas mal plus de dégâts que vous pensez, parce que ça va avoir mis sur les dents des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir recommencer aussi facilement qu'avant. Non, la communication était pas comme ça avant les années 2000. Et la communication a commencé à changer à partir des années 2000. Et c'est cette communication-là qui va faire la tension. Écoutez-moi, vous annoncez un pouvoir que tout le monde a, mais qui n'a jamais développé, mais qui a toujours intuité. La pensée que vous avez, quand elle est vibrée, c'est aussi puissant qu'une carabine. Vous voyez quelqu'un, vous savez qu'il est coupable de quelque chose, vous le sentez, c'est pas parce que ça a été dit à la radio ou à la télévision, non. C'est parce que vous le sentez, et vous dites, je ne veux pas que ça se passe encore. Si je pense à des violeurs, puis des cibles, des ça, ou des gens qui tuent comme Turcotte qui a tué ses enfants. Vous allez juste penser que ça n'a pas de bon sens. Vous allez juste penser que ça devrait pas être un jugement comme ça. Et les choses vont se corriger. De dire, ouais, mais là, il en faut quelques milliers. Il faut juste du monde qui vibre. Des fois, juste une personne qui vibre, elle peut faire un gros changement. Et plus vous êtes conscient, plus vous êtes sans émotion, l'émotion, ça affaiblit beaucoup ce pouvoir-là. Quand vous perdez cette espèce de rosace dans le visage qui est haut comme un extatique, là, quelqu'un qui est en extase permanente, quand vous allez avoir perdu ça, vous allez voir que votre pensée a pas mal plus d'impact que vous pensez. Mais vous pouvez pas jouer du pouvoir avec ça. Ça, c'est pas du pouvoir. C'est simplement du constat. Quand vous allez arriver au stage du constat avec une forte vibration, les événements vont commencer à changer autour de vous. Ça va apparaître même dans votre vie personnelle pour des projets personnels ou pour des rapports ou des relations à caractère personnel. Mais ça va se passer juste quand vous allez être neutre. Si vous n'êtes pas capable de neutralité, vous n'avez pas accès à ce pouvoir-là. Je vous annonce ça. C'est sûr que ça se fera pas en 2014 pour 10 milliards de personnes, là, faut pas rêver, là. Mais les gens qui ont la chance d'écouter ce CD-là, ils vont pogner quelque chose, vous le jure. Fait que c'est à suivre. Je vais faire un autre fichier, là. Un autre domaine qui m'est. Ça, c'est surtout les femmes qui me posent des questions là-dessus. C'est les rapports de couple, les rapports affectifs. Je me plais à dire depuis 1 an, 2 ans, que le couple, c'est pas un objectif en soi. Une personne qui n'a pas de couple peut très bien vivre sa vie, peut parfaitement évoluer, peut être considéré, avoir une réputation, puis bien vivre. Là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi le monde veut le temps à un couple? Ben, écoutez, c'est plus facile à deux, plus facile à trois, c'est plus facile à 10, plus facile à 20. C'est juste le caractère territorial qui limite ça à 2 personnes. Mais si vous avez des amis, si vous êtes seul, mettons, là, il y a déjà quelqu'un qui me disait, il dit, moi, j'ai pas de femme, il dit, quand t'en as pas, t'es à toutes. En voulant dire, t'as accès à toutes, mais t'as pas le temps pour toutes, t'as pas le capital pour toutes. Donc, tu te fais une sélection dans ton temps de tes rapports avec les gens pour être avec les gens qui améliorent ta vie. Tu sais, les gens te cherchent pour améliorer leur vie, puis conséquemment, tu vas également chercher à rencontrer des gens qui améliorent ta vie. Sans ça, tu vas jouer à Mère Teresa toute ta vie, tu vas jouer au Père Polichinelle ou Lionel, peu importe quoi, Christ, mais tu vas jouer à ça toute ta vie. Non, non, non. Tu sais, il arrive un stage que si on parlait tout à l'heure de gestion des énergies, ben, je vous dirais aussi que vous avez aussi un capital affectif qui peut pas s'épancher avec 250 personnes. De là, le couple. Le couple, ça permet de concentrer nos besoins, notre énergie, nos rapports avec l'avenir, parce qu'il y a toujours nécessairement dans la recherche du couple, il y a toujours une certaine recherche de la famille. Malgré que moi, j'établis qu'il y a quand même 2 couples. Il y a le couple qui vise la famille, donc qui essaie de reproduire et donner à sa vie un prolongement dans le temps. C'est plus facile de rêver avec des enfants parce que l'enfant, lui, il a à se réaliser, alors que nous, on a déjà une bonne étape de fait à s'être réalisé dans le travail, dans l'exploration de la différence entre l'homme et la femme, etc. Pour moi, c'est le plus beau laboratoire qui existe sur la planète pour se connaître, parce que c'est très difficile de se cacher en couple. Même s'il y en a qui réussissent à se cacher, c'est parce que c'est des gens qui veulent pas être en couple, c'est des gens qui veulent profiter d'une personne sous l'étiquette du couple. Pas pareil, ça, là. Mais c'est pas, on va dire qu'ils sont en couple parce que socialement, ils sont en couple, mais c'est pas un couple nécessairement parce que, comme m'a déjà dit, une femme que j'aimais beaucoup, mais qui m'aimait pas pantoute, un couple, c'est un consentement mutuel. Tu sais, s'il y en a un qui est pas consentant, il n'y a pas besoin de passer par la loi pour dissoudre sa relation, parce que le simple fait de pas mettre une volonté dans l'échange, c'est clair qu'il n'y a pas de couple. Il y a bien du monde qui sont comme ça, là, tu sais, que c'est une entente mutuelle pour traverser la famille, les enfants qu'ils ont créés, garder une réputation, toutes ces choses-là. Vous n'avez pas besoin de la télévision pour faire un dessin. Il y a certainement des gens ou du monde qui vivent ça sous cette forme-là, puis que vous avez réussi à détecter dans votre vie. Non. Donc, il y a 2 couples. Il y a ce type de couple-là, puis il y a le couple qui, lui, est réellement engagé, là. Tu sais, on veut des enfants, on veut les élever, on veut rêver avec eux autres. Tu sais, c'est un engagement, là. C'est vraiment de l'engagement. Il y en avait beaucoup avant. Il y en a de moins en moins parce que, un peu comme, le chocolat, ils ont mis tellement de sortes de chocolat qu'on veut toutes les essayer parce que ça a l'air bon dans toutes les tablettes, dans tous les emballages. Moi, vous donner un conseil. Puis ça, c'est pas, il vient pas de moi, c'est de Saint-Exupéry. Ça, j'avais connecté à ça très jeune. C'est le temps que tu mets à ta rose qui fait que ta rose est belle. C'est toute l'énergie que tu mets à vivre des choses évolutives pour ta personne et celui de l'autre qui fait la réalisation du couple. Des fois, il manque les enfants, mais le fait de se faire évoluer mutuellement, c'est du temps. Comme disait Saint-Exupéry, c'est du temps que tu mets à ta rose. On a beaucoup de planètes, comme je l'ai mentionné dans l'autre fichier, qui sont en signe d'eau. Le signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, là, je parle de quelque chose qui affecte tout le monde, là. Mais ça affecte plus ces gens-là en particulier parce qu'ils sont plus réceptifs que la moyenne. T'sais, ça capte plus. C'est sûr que si vous prenez le CD particulier à chaque signe, vous allez avoir plus de détails selon chaque signe de l'influence de ces 4 grosses planètes-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes vous allez être plus à fleur de peau dans le passage de ces planètes-là. Et c'est pas mauvais. Moi, j'ai toujours dit que rire, aller faire de l'exercice, puis suer, puis brailler, c'est suer. Ça revient à suer. Quand tu ris, tu peux rire aux larmes. Donc, tu sues. Quand tu pleures, tu ris. Ben, tu ris pas, là. Donc, tu ris jaune, mais t'es aux larmes. Et puis, c'est de l'eau qui te sort du corps. L'eau, c'est l'émotivité. C'est tout ce qui se rattache à une sensation affective ou émotionnelle. On est construit de beaucoup d'eau. On a beaucoup d'eau dans le corps. On vit beaucoup avec la capacité de s'hydrater. On peut être plusieurs jours sans manger, mais on peut pas être plusieurs jours sans boire. Fait que tout ce qui est le liquide, les liquides, ça a beaucoup d'influence sur le corps humain. Et ça a beaucoup d'influence sur nos humeurs, va de soi. Quand je vous dis rire, pleurer, suer dans de l'exercice, quoi de ça, moi je mets tout ça dans le même package, dans le même climat de vie. Et le couple, lui, permet d'aller chercher tous ces états d'âme, permet et engage l'individu dans une projection de santé, de ci, de ça. La sexualité, c'est excellent pour la santé, quand c'est bien vécu. C'est sûr qu'un coup de tape sur la gueule, c'est moins évident, là. Mais d'une façon générale, tu sais, quand on dit que le consentement est mutuel, ben s'il y a consentement mutuel entre adultes consentants, c'est l'expression d'ailleurs, c'est très bon pour la santé. C'est quelque chose qui demande d'être vécu par tout adulte sain d'esprit, et c'est d'ailleurs un élément qui garde la cohérence chez l'individu. Ce qui est important dans le couple, en réalité, c'est que chaque individu soit un individu. Et que chaque individu doit pas se fondre dans l'autre. Moi, le couple fusion, faut pas ça. On n'est pas dans la même heure, même date, hein? Et puis de la même famille non plus. Et puis le facteur culturel peut créer des complémentarités, peut créer des conditions de vie qui ajoutent à ce que l'autre sait ou vit ou a comme ressources. Mais de là à dire que les deux partenaires doivent être pareils dans leurs décisions, quoi que ce soit, c'est un rêve pieux, mais c'est pas une réalité. Que vous ayez la capacité de vous entendre, de faire certains compromis, puis ou d'en arriver simplement à évoluer ensemble, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Parce qu'un homme et une femme, pour ce type de couple-là, c'est extrêmement différent. Et pour les couples homosexuels, ben, le seul fait d'avoir à jouer avec le processus décisionnel, c'est déjà beaucoup d'efforts. Parce que c'est pas vrai que deux personnes peuvent s'entendre sur une décision indéfiniment. C'est pas vrai. Rêvez pas en couleur. Vous allez être obligé de faire des compromis ou de réellement laisser l'autre vivre. Laisser l'autre vivre, ça veut dire le laisser décider de sa vie. Mais non pas le regarder comme si c'était votre propriété. D'ailleurs, le gros problème du couple, et c'est pour ça que je dis que dans le temps, la mutation va être profonde sur les couples, c'est que on veut décider ensemble, on veut vouloir ensemble des choses qui peuvent pas, parce que dans notre programmation de vie, on a des différences inévitables entre chaque individu, puis ces différences-là amènent les gens à des décisions qui ne conviennent pas nécessairement à l'autre. Moi, j'ai été en couple pendant 23 ans, puis je peux vraiment vous dire que la femme, l'homme ont des particularités chimiques dans le cerveau qui font qu'un gars va aller sur une canne à pêche, puis la femme va aller sur un manteau de fourrure, puis qu'il y a certaines exceptions, évidemment. Il y a toujours quelqu'un qui vient dire « Ah, moi, ma femme, elle aime ça la pêche, puis elle aime pas un manteau de fourrure. » Ben oui, c'est bien ça. Peut-être qu'elle cherche un ours aussi pour en avoir un, mais qu'elle veut le tuer puis le tanner elle-même, là. En tout cas, tout ça pour dire que la dynamique des gens, c'est une dynamique qui peut être influencée par une collectivité, puis il y a des expériences ou des essais de vivre des choses qui, pour arriver à une bonne identité, doivent être vécues personnellement. Je ne crois pas je crois qu'on évolue ensemble, mais je crois pas qu'on a une identité en même temps. Il y a des gens qui sont plus réveillés au mental que d'autres. Il y en a qui, dans le couple, sont plus émotionnels que d'autres, et conséquemment, les expériences vont être vécues plus intensivement. Et puis, si le partenaire est plus mental, ben ça sera moins intense, ça va de soi. Là. Que ce soit homme ou femme, peu importe. On voit que ces caractéristiques-là font que on peut vivre à deux, mais il faut de l'individualité. Puis si on vit tout seul, faut pas avoir peur de vivre le couple. Faut pas avoir le peur de s'associer, parce qu'une carence dans le fait d'être seul, ça peut venir du fait d'avoir peur de l'autre. Et si on affronte ces peurs de l'autre dans une relation intime, donc le couple, ben conséquemment, c'est plus facile de faire face à nos bibites. Au même titre que quand on est capable de sortir du couple et d'être capable d'être spontané, libre, ben, on n'a pas peur de la collectivité non plus. C'est un jeu de vie qui est très personnel, qui est en dehors des journaux, du Journal de Montréal puis de la presse. Qui est en dehors de la publicité puis le marketing, c'est personnel. On peut vous donner un livre pour savoir comment faire l'amour, mais c'est comment vous allez le sentir que ça va se passer. Ça se passera pas comme dans les livres, c'est clair et net. Encore moins comme le cinéma, c'est tellement factice là-dedans. Hein. Donc tout ça pour dire que dans le courant de l'année 2014, à cause des planètes dans les signes d'eau, la plupart des gens qui sont dans ces signes-là, comme j'ai mentionné, les signes de terre, les signes d'eau, vont être plus à fleur de peau que la moyenne. Ils vont être plus susceptibles, sensibles, et conséquemment plus naturellement impressionnables et influençables. Et quand ça reviendra dans les signes positifs, ça va quand même prendre une bonne quinzaine d'années, vous pouvez vous attendre à ce moment-là à avoir des tempéraments plus froids, plus direct. Disons que la popularité ne sera pas tellement pour les gens sans émotion pour les prochains 10 ans. Des gars comme moi, qui ont le mental plus à fleur de peau que les émotions, ils ne seront pas vraiment populaires. Là, t'sais. Enfin, ils vont fonctionner en circuit fermé. Et bienvenue au maso, parce que avec ma façon d'être, j'ai plutôt de l'air sado. Et c'est pas par exprès, c'est juste que quand tu es plus froid, tu pleures moins souvent à la personne qui devant toi va pleurer. Mais si t'es party de broyard, ça, je suis pas invité là-dedans, mais il y a des gens qui tirent un grand bien-être, un grand bienfait, et félicitations, vous êtes dans le bon timing pour vous taper une thérapie, parce que ces planètes-là, il y en a pour longtemps. Mais à plaindre quelqu'un, vous ne le renforcez pas, oubliez pas ça. À plaindre quelqu'un, ça veut pas dire de pas avoir d'empathie, mais avoir de l'empathie, il faut que ça soit suivi d'une action. Le seul problème, c'est que quand on se plaint, on se convient dans notre état et on finit par penser qu'on est approuvé dans notre état. Ça, c'est vraiment dangereux. J'ai passé un bout de ma vie, moi, là, à endosser, à encourager ces choses-là, puis je faisais juste du dégât à cette époque-là. Donc, c'est plutôt d'aider les individuels à se relever, puis à passer aux actes, puis à se refroidir le mental. Vraiment se refroidir le mental, parce que la clé est là-dedans. Dans le sens de sentiment, je vous dirais que là où c'est utile, vos sentiments, vos émotions, ça va être principalement quand vous allez vouloir prendre quelqu'un qui est dans un drap, un vrai drap, et que vous allez pouvoir agir avec. Fait que si vous avez un enfant ou quelqu'un qui est vraiment dans la société, un être excessivement vulnérable, donnez-y pas d'argent. Travaillez avec qu'est-ce que vous pouvez engager comme temps, comme disponibilité à identifier, on dirait pas nécessairement ses erreurs, mais à identifier ce qui karmiquement le met dans la merde et l'aider à s'en sortir en étant capable de d'y faire voir. Moi, je change les gens à le faire voir, à les faire regarder, à lui faire interpréter les événements différemment. C'est comme ça que j'aide les gens. J'ai pas d'argent à donner. J'ai pas de poisson à donner, mais je peux montrer à pêcher. Et si vous savez pêcher d'une certaine forme d'expérience dans la vie, enseignez-le. Donnez pas le fruit de votre travail. Enseignez-le. Laissez la personne se créer avec une conscience, avec un talent, avec une capacité. C'est le plus beau et le meilleur de tous les conseils que je peux donner à un individu. La personne qui apprend n'est pas la personne qui fait. Mais la personne qui fait, elle a nécessairement passé par l'apprentissage, mais le meilleur apprentissage, c'est l'exemple. C'est pas l'information pure. On me joue de la guitare, c'est plus facile à apprendre que de me montrer le solfège. Ça me fait pas éviter d'apprendre les gammes, mais ça me fait vibrer quelque chose qui va supporter la difficulté d'apprendre les gammes. Il y a plein de génies que j'ai vu passer à Got Talent, Hollande, n'importe quoi. Quand j'ai vu une petite fille de 9 ans qui a appris une toune de Maria Callas sur YouTube. Elle l'a appris par cœur. Elle a mis sa voix dedans. 9 ans. Attachez vos bottines. À chanter du Puccini, de l'opéra dans les hautes notes. Elle tirait plus haut que Céline Dion elle-même. Et puis elle avait 9 ans. Puis quand le gars, il a dit, avec qui t'as appris? Elle a dit, je l'ai appris sur YouTube. Elle dit, t'as pas eu de professeur? Elle dit, non, j'ai pas eu de professeur, je l'ai fait tout seul. Aïe, aïe, lâchez-moi le solfège. Fait que la technique, je vous dis pas que c'est pas bon, là, c'est pas vrai, là, c'est excellent. Mais le senti de l'individu, c'est infiniment plus fort que la technique. Quand on dit l'exemple, la petite fille a pogné ça sur YouTube, a pogné un exemple, a pris quelqu'un qui était professionnel dans son domaine. Tout le monde soupçonne que c'est Maria Callas. Et évidemment, quand elle a appris ça, elle l'a appris sur son senti. Il n'a pas été sa technique. Puis je vous jure, c'est impressionnant. Là. Moi, je l'ai écouté 45 fois à date, certain. Je ne vais pas compter, là, mais pas mal souvent. Des fois, quand je fais le pas, je regarde ça et je me dis, bon, ben là, pépé, continue. T'as commencé quelque chose, finis-les, faut que t'en meurs. Donc, c'est très important de comprendre que votre vie et votre rapport avec la vie doit être vécu sur un senti. Moi, je marque mon site, vibrer et agir. La technique vient confirmer ça, vient comme s'ajouter pour améliorer l'individu, mais c'est de vibrer principalement qui est dominant. Moi, je ne fais rien que je ne vibre pas. Mais je peux faire longtemps quelque chose que je vibre et aller chercher toute la technique voulue pour le faire, le maintenir et me motiver sans donner au résultat une priorité. Bonne chance.